بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المحتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث 15 بعد المئة، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفنقضه لغسل الجنابة، وفي رواية والحيضة. قال: لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات. رواه مسلم. Donc dans le 115e hadith, selon Umm Salama, l'épouse du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'elle dit: ô messager d'Allah, j'ai une femme qui attache ses cheveux. Dois-je les défaire pour le roufle de la janaba, dans une version, et des haïda, c'est-à-dire les menstrues? Il a dit: non, il te suffit de verser sur ta tête 3 fois de l'eau. Apporté par Mousseline. Ouais, quand je dis attaché, c'est ça, c'est pas détresse. Achoud, c'est chadda, c'est enfin détaché. Mais dans les détresse, ça se dit corne également. Ouais. Là, c'est ça qu'il veut dire, voilà, détresse. Mais le mot dit, c'est achoud. Char, si j'attache les cheveux. Maintenant, comment on les attache, 13 ou kaza kaza, ça c'est pas. C'est un terme qui est âme. Achoudou, char, rossi. Hein, ça peut être détresse, non? Ça peut rentrer dedans. طيب المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. مسألة: نقض المرأة لشعر رأسها في غسل الجنابة والحيضة. Le fait de défaire, que la femme défasse ses cheveux, c'est-à-dire si elle a des tresses ou qu'ils sont attachés ou quoi, pour le lavage de la janaba ou des menstrues. La plupart des savants voient qu'il n'est pas obligatoire de le faire. À partir du moment où l'eau parvient à toucher la peau, l'épiderme, on va dire le cuir chevelu, si l'eau atteint, l'objectif est atteint. Même qu'elle n'est pas obligée de défaire ses cheveux. Qu'elle soit ha'id, ou qu'elle soit junub, ou ha'id, ou autre. C'est le même jugement pour le rosse. Et la preuve, c'est quoi? C'est que l'eau doit obligatoirement c'est obligatoire sauf si l'eau ne parvient pas. Non, si l'eau ne parvient pas à toucher la peau, là elle doit défaire ses cheveux quand même. À la base elle n'est pas obligée de le faire, mais si l'eau ne parvient pas à toucher le cuir chevelu ou quoi, à cause de ses tresses ou la coiffure qu'elle aurait, elle doit défaire. Et c'est quoi la preuve? C'est ça la preuve, c'est qu'il est obligatoire que l'eau touche toutes les parties du corps. Hein? Donc si la coiffe qu'elle a empêche l'eau d'atteindre le cuir chevelu, toucher la peau, elle doit défaire. Si jamais ça n'empêche pas, elle n'a pas besoin de défaire. Certains prennent pour preuve un hadith d'Abu Hurayra, mais qui est faible et qui va venir. Et également, ils disent que le hadith de Umm Salama qu'on vient de lire, interprété par le fait que en fait, c'est dans le cas où elle, l'eau pouvait atteindre sa peau. Tamam? C'est que l'eau pouvait atteindre sa peau. La preuve de cela, c'est le hadith de Aïcha, radiallahu anha, rapporté par Muslim. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Asma bin Shakl, dans le roussel des menstrues ou des janaba, تأخذ إحداكن ماءها فتطهر فتحصد الطهور ثم تدلك رأسها حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تفيد الماء عليها. Donc que l'une d'entre vous prenne son eau, qu'elle se purifie et qu'elle le fasse bien, ensuite qu'elle frotte sa tête jusqu'à ce que l'eau atteigne, que l'eau atteigne sa peau, et ensuite elle verse l'eau sur elle. Il fut rapporté de Abdullah ibn Amr ibn As que lui, il a vu l'obligation que la femme doive se défaire les cheveux obligatoirement, et Aïcha l'a blâmé pour cela. En Karat Ali. D'autres ulama sont partis dire qu'il est obligatoire qu'elle dépasse ses cheveux pour le rousle des menstrues et pas celui des janabas. Et ils différencient entre les deux. Ils ont pris comme pour preuve, c'est le hadith de Aïcha, également lors du Hajj, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « Ankoudi ra'saki wam tashiti » qui lui a dit « Défais tes cheveux, d'accord, et peigne-toi. » Dans une version « Wartasili » et « Lave-toi. » Et il voit qu'il n'est pas obligatoire de le faire pour le rousse de Janaba. C'est quoi la preuve? Le hadith de Umm Salama, on vient de dire. Donc ils ont fassal entre les deux. Et la parole authentique, c'est la parole du Jumhur, qui est la parole choisie également par Cheikh Ibn Baz et Cheikh Mohamed Ibn Ibrahim. Et quant au hadith de Aïcha, qu'on vient de lire à l'instant là, on nous dit Ra'saki, et San'ani dit quoi? On sait que Aïcha, lors de ce Hajj, a eu ses menstrues. Toi-même, elle a eu ses menstrues. Afin que le hadith du Hajj l'a cité là, c'est lors du Hajj. Que Aïcha, parce que le Prophète nous dit cela, c'était lors du Hajj. Et que elle est rentrée en état d'ihram pour une Umrah. Ensuite, elle a eu ses menstrues qui sont venues. Avant d'entrer à Mecca. Alors le Prophète sallam lui a ordonné de défaire ses cheveux et de se coiffer, et de se laver et de mettre une niyyah pour le Hajj. Et à ce moment-là, elle ne s'est pas encore purifiée de ses menstrues. Donc ce roussel, c'était dans le hadith, c'est un roussel de nettoyage, c'est tout, de lavage. Normal. C'est pas Janaba ni... Parce qu'elle était haïd. Donc il n'y a pas lieu de faire un roussel tant que elle n'a pas... c'est pas purifié. Donc là, ils disent que le roussel cité dans ce hadith-là, c'est un roussel normal, nettoyage. Quand même. Donc cela également démontre que ce hadith-là n'est pas en opposition avec le hadith de Umm Salama. Donc ce rousse-là, c'était dans le hadith, c'était un rousse de nettoyage, juste pour se laver, c'est tout. Elle était haïd. Elle va venir dans le hadith, dans le bab de haïd. Taïb. ثم قال رحمه الله تعالى في الحديث السادس عشر بعد المئة وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة selon عائشة toujours qu'elle dit que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit je n'autorise pas le masjid pour une femme qui a ses menstrues ni pour celui qui serait en état de souillure majeure. Junub. Rapporté par Abu Daoud, authentifié par Ibn Khuzayma. Et le hadith, le haqiqa, en réalité, il est faible. Ok, il dit, mas'alatun. Hukm, lebth, el-ha'idhi, wal-junubi, fil masjidi, wa hukm, el-murur fi. Dans le jugement, quant au fait que la femme, qui est ses menstrues, on peut dire la femme réglée. Ou celui qui est en état de janabah, reste dans le masjid, ou le fait, simplement, qu'il traverse, qu'il y passe. Pas de passage, c'est tout. Donc il dit différentes paroles sur le sujet. Première parole, qui lui interdit, illicite, haram, de rester dans le masjid, assis ou debout, en mutaraddidan, quand il dit mutaraddidan, je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, ce qu'il veut dire le fait qu'il se déplace, même s'il faisait l'eau. Par contre, il lui est pas permis de traverser seulement. Juste traverser. Quand même. Qu'il ait un besoin ou pas. Ça, c'est le mazhab de Shafi'iyya. Également, fut rapporté par Ibn Mas'ud, Ibn Abbas et d'autres. Leur preuve, c'est la parole d'Allah. La taqrabu salat wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban illa ghabiri sabil. Dans le sens où Allah dit, ne vous approchez pas de la salat tant que vous êtes ivre, que ce soit ce que vous sachiez ce que vous disiez, ou alors en état de janaba, hormis. J'en ai lieu de passage. Il n'y a que là que cela vous est permis. Donc là, ils disent que pour eux, le sens voulu par la salat, c'est le lieu de la salat. C'est-à-dire les masajid, les mosquées. pourquoi est-ce qu'ils disent que le fait de traverser ce n'est pas pendant la salat? Il est rabil sabil. Ils disent que ça, là ce qui concerne c'est le lieu, le masjid. Et ils ont pris également ce hadith là comme preuve. Donc ça c'est la première parole, que cela est interdit mutlaqan, à part le fait de traverser le masjid. La deuxième parole, qu'il lui interdit d'y rester et même de passer, sauf s'il n'a pas le choix. Et s'il n'a pas le choix, qu'il fasse le dos. Ensuite, il passe. Quand même. Et eux, c'est quoi leur preuve? C'est ce hadith également. Parmi eux, il y a Abu Hanifa. Également, Sufyan al-Thawri et d'autres. Et leur preuve, ils ont pris également un hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, rapporté par Tirmidhi. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, أنه قال لعلي يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. C'est-à-dire, en fait, au Ali, il n'est permis à personne d'être en état de janaba dans ce masjid à part moi et toi. Et là, quand ils disent معناه لا يحل لأحد يستطرقه جنوبا غيري وغيرك, qui n'est permis à personne, ils ont dit يستطرقه. يستطرقه, c'est le fait de prendre tariq, un lieu de passage. Donc ça, c'est le deuxième call, que c'est interdit dans l'absolu. Et s'il est obligé de le faire, par contre, il fait le dos. Même il fait le dos. Troisième call, il ressemble à celui-là, également interdit d'y rester et de passer, mais qui lui est permis avec le dos. C'est quoi la différence avec l'autre? C'est que s'il n'a pas le choix, il est obligé de passer par là, il fasse le dos. Mais là, ils disent quoi? Là, il a le droit. Permis, qui, même s'il n'a pas de haja, il fait le dos, il peut rester. C'est la parole de Ahmed et d'autres. Et qu'ils ont rapporté que les compagnons, radiallahu anhum, discutaient dans le masjid alors qu'ils n'étaient pas en l'eau d'eau. Ils n'avaient pas l'eau d'eau. Et que si l'un d'entre eux était junoub, ils faisaient l'eau d'eau et ensuite ils rentraient dans le masjid pour discuter avec eux. Ils s'asseyaient. Et c'est rapporté qu'un isnad Hassan. Par contre, il ne dit pas rapporté par Abu Daoud, je crois. Il ne dit pas d'où qu'il a rapporté le Athar. C'est rapporté de Abu Nu'aym, mais il ne dit pas c'est. Peut-être c'est dans Moussan Ahmed, parce qu'apparemment c'est le col de Ahmed. Mais il ne le dit pas. C'est quoi la référence? Donc, quatrième col, qu'il est permis d'y rester, de passer. D'accord? Il est permis d'y rester, de passer, en étant junoub. Après, il dit, chien, que le call par rapport au Sahaba, le troisième call. Attends. Là, je crois que. Attends, donc, on reprend la parole là, par rapport au Sahaba. Parce qu'il précise en quoi qu'en fait, l'odo n'enlève pas la janaba. D'accord? L'odo n'enlève pas la janaba. Donc cela peut amener à la permission. L'odo n'enlève pas la janaba. Après, c'est bizarre parce que là, lui voit le col rabia, je ne sais pas s'il n'y a pas une impression ou quoi, ça va venir, lui son rabia, c'est le col rabia, c'est permis, mais là il cite le col thalith, et après il cite l'épreuve appuyant le col rabia. Donc je n'ai pas compris s'il n'y a pas un truc qui, il n'y a pas une erreur quelque part dans le livre. Car ceux qui voient la permission dans l'absolu, donc ils voient déjà le fait des sahaba qu'on a pris. Quand même. Car ils disent que l'odo, ça n'enlève pas la janaba. L'odo n'enlève pas la janaba. Le deuxième dalil, ils disent, le hadith d'Abi Huraira, in el muslim l'anjus. Le muslim n'est jamais impur. À la base. C'est-à-dire en lui-même. Également, que les gens de Soufa, les pauvres, qui vivait dans le masjid du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, voyez, certains qui devaient avoir des rêves, yahtalimoun, donc c'est un janaba la nuit, il est dormi dans le masjid. Également cette femme noire qui nettoyait le masjid, elle avait un abri dans le masjid, une partie dans laquelle elle vivait. Quand même, et la femme, il est marlouf qu'à la base, elle a ses haïd qui viennent mensuellement. Quand même, également le fait que Thumama ibn Uthal, comme on l'a pris dans le rousse de la conversion. Il était mouchrik à l'époque. Où est-ce qu'ils l'ont mis? Dans le masjid. Donc qui est-ce qui est plus en droit dans le masjid? Le mouchrik ou le muslim qui est en janaba? Qui? Le muslim. Donc si c'est permis pour lui, à plus forte raison c'est permis pour le muslim. Thumam? Allez. Donc là, c'est la parole. C'est la parole la plus forte que, en fait, c'est permis. En même. Hein? C'est mutlaqan, c'est permis. Ah, ouais. Après, il dit que par rapport au verset, allez, le verset qu'on a pris tout à l'heure, de ne pas s'approcher d'un salat, pour celui qui est ivre, lorsqu'il sache ce qu'ils disent, ou alors celui qui est junoub, lorsqu'il se purifie, hormis s'il passe, simple passage. Il dit quoi? L'apparence du verset, c'est que la personne ne peut pas faire salat alors que les junoub. Là, c'est pas le masjid qui est visé, c'est la salat. Comme le fait d'être ivre. Quand même. Donc il dit, il ne peut pas faire salat si les junoub, à part celui qui est de Robin Sabil, là il l'a traduit par Moussafir, qui est voyageur. Lui peut faire le tayammum. Il peut faire la salat. Voilà ce qu'il dit. Ce qu'on l'a, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire ceux qui ne trouvent pas l'eau. Et ça, c'est propre pour tout le monde. Ce n'est pas que pour le voyageur. C'est ça qui est bizarre. Tayammum, pour tout le monde, même celui qui n'est pas voyageur. Hatta l'il muqim. Donc là, je n'ai pas compris là, par rapport à cette partie-là. Et apparemment, ce serait le tafsir justement donné par Ali ibn Abbas et Mujahid Qatada. Et d'autres. Ils voient que ce verset-là concerne la salat, et non pas le masjid. Amen. Mais la masala du tayammum, là, je l'ai pas cerné. Et quant au hadith de Ali, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit: La yahil li ahad an yajnou fi hadha al-masjid illa ana wa ghayli wa ghayluk. Le hadith est daif. Et quant au fait que les sahaba rentrer en étant junoub et faisait l'ozo pour s'asseoir, il a dit quoi? Cela démontre que l'ozo est mustahab pour entrer au masjid. Même tes junoub, c'est mustahab de faire l'ozo. Donc il l'a porté à cela. Pourquoi? Mais les choses qu'il a rajoutées qui ne sont pas dans le livre, que Aïcha, lorsqu'elle a fait le hajj, elle a eu ses haïd, qu'est-ce qu'elle a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? If Ali ibn Afal al-Hajj, ghayl al-la tatoufi bil bayt. Fais tout ce que fait le pèlerin, hormis que tu ne tournes pas autour de la Kaaba. طيب il fait quoi le hajj? Il est où? Masjid al-Haram. C'est un masjid. Est-ce qu'il a dû sortir? Il n'a pas dû sortir. Alors. Donc le coup le rajih, c'est que le junoub ou la femme qui est haïd peut rester dans le masjid. Naam. Alors. Afouma hada. Faïla huna. Walhamdulillah rabbil alamin.